On est tiré par le cul des cargos remorqués des transatlantiques. Mais cette fois-ci j'ai tiré le gros lot, pourtant je connais comme on dit la musique. Ce bateau-là c'est pas de la mer à boire avec du pétrole plein les soutes. À vite ton pète, faut le rentrer au port, et sauf qu'il peut dans un trait de mazout. Tendez la chaîne, putain de traîne. Le remorqueur, tendez la chaîne. Tendez la chaîne, foutue sirène. À la bonne heure, tendez la chaîne. J'en ai ramené des paumés dans les mailles, des fous furieux en vent de panique. Mais ce soir la cale est sous la muraille, je reste à couper en rêvant au tropique. Tous mes moteurs lancent au ciel leur violence sur fond de diesel bien accordé. Tous mes chevaux forcent ensemble le silence à coups de vapeur crachée des cheminées. Tendez la chaîne, putain de traîne. Le remorqueur, tendez la chaîne. Tendez la chaîne, foutue sirène. À la bonne heure, tendez la chaîne. Perdu mon vieux cochon. Mais ce matin-là, la mer était si pâle que le roulis me traînait par le front. Prends garde à toi, vieux débris sous mes chaînes, j'en ai encore dessous le pont. Prends garde à toi, vieux bandit, je dégaine, je rentre au port avec toi pour de bon. Tendez la chaîne, putain de traîne. Le remorqueur, tendez la chaîne, tendez la chaîne, foutue sirène. À la bonne heure, tendez la chaîne, tendez la chaîne, putain de traîne. Le remorqueur, tendez la chaîne, tendez la chaîne. À la bonne heure, tendez la chaîne, souquez ferme.